Non, je l'attends quelques minutes. Oui, alors je suis donc Yves Placereau, je suis en fait assez familier de cette maison parce que je collabore avec Ronan depuis bien des années sur des questions de minorité. Et j'ai déjà eu le plaisir d'intervenir au sein de ce groupe plusieurs fois. Je ne saurais pas dire combien de fois, mais plusieurs fois. Je suis juriste. Je crois qu'on doit être donc deux ici dans la salle à être juriste. Oui, je suis juriste et vous le remarquerez peut-être. Ça influence sans doute mon propos. Je ne vais pas vous faire une conférence vraiment au sens propre parce que je n'ai pas de texte préparé. Je vais un peu suivre ce que je verrai qui vous intéresse en fonction du champ que j'ai à couvrir. J'ai été pendant toute ma carrière professionnelle dans le domaine spécialiste, on peut dire. J'ai été praticien et j'ai enseigné, j'ai écrit de nombreux bouquins et articles sur le droit de la propriété intellectuelle. Le droit de la propriété intellectuelle, c'est donc le droit des brevets, des marques, le droit d'auteur, le droit des logiciels, etc. Et donc j'ai été amené à être confronté à de très nombreuses situations à caractère économique et commercial, et un certain nombre en liaison avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je suis plus âgé que la plupart d'entre vous, donc j'ai exercé déjà dans les années 70. J'étais donc conseil en propriété intellectuelle, mais j'étais aussi expert auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui est une des agences spécialisées des Nations Unies. Dans le domaine des droits intellectuels, bien sûr, et je participais à l'élaboration d'une loi type sur les brevets pour les pays en voie de développement. C'était un projet qui a duré une bonne dizaine d'années, qui réunissait tous les mois un certain nombre d'experts de grande partie des pays du monde à Genève, à l'OMPI, et moi j'étais l'un des très rares experts français en la matière. Pendant ces années, j'avais une position assez critique. J'ai fait ma thèse, une de mes thèses sur le brevet et développement. Brevet et pays en voie de développement. Et j'avais une position, pour résumer les choses, qu'on peut appeler assez tiers-mondiste. Donc j'étais assez copain avec les représentants des pays qui, à l'époque, étaient en pointe, c'est-à-dire le Brésil, l'Algérie, Cuba. Sur l'anti-impérialisme économique. Et j'étais devenu très copain avec un ex-avocat privatiste de La Havane, qui s'appelait Rodriguez Padilla, qui était devenu un très bon ami. Et les Cubains, à cette époque-là, qui était directeur de l'Office des brevets de La Havane, les Cubains, à cette époque-là, se trouvaient en butte au blocus américain. Ce blocus américain prenait dans notre domaine une forme très particulière. Les propriétaires des exploitations de tabac et de rhum étaient partis aux États-Unis ou à la Barbade ou ailleurs en emportant leurs marques, les marques de fabrique du rhum et des cigares et des cigarettes, etc., du tabac. Or, ces deux produits d'exportation étaient les piliers du commerce extérieur du Cuba, et en emmenant les marques et en faisant reconnaître avec l'aide de la CIA notamment la propriété de ces marques au bénéfice des Américains, ils bloquaient complètement les exportations que pouvaient faire les propriétés qui avaient été mises sous séquestre de Cuba vers tous les pays qui avaient reconnu le point de vue américain, c'est-à-dire la grande majorité des pays du monde, parce que les Américains exerçaient divers moyens de pression, etc. Donc, Rodriguez Padilla a dit à Fidel Castro, « Moi, j'ai un copain qui pourrait peut-être vous aider. » Et c'est comme ça que j'ai été la première fois parti à La Havane, je vous la fais courte parce que c'est une très longue histoire, complexe et amusante d'ailleurs. Après avoir beaucoup travaillé et réfléchi avec les associations de producteurs de tabac notamment, de la Vuelta a Bajo, qui est la grande zone de production de tabac de Cuba, on est arrivé à l'idée qu'il fallait reprendre la question, non pas sur la base des marques de fabrique, mais sur la base des appellations d'origine. Parce que les appellations d'origine, s'il y a besoin de détails, je vous les donnerai volontiers, mais les appellations d'origine ont un énorme mérite, c'est qu'elles sont liées au terroir et que par conséquent, elles ne sont pas délocalisables. Par conséquent, les propriétaires capitalistes qui étaient partis aux États-Unis avec les marques Monte Cristo ou autres ne pouvaient plus se défendre sur ce terrain. Et donc on a entrepris de faire reconnaître des appellations d'origine pour les cigares de Cuba et pour le rhum de Cuba. Ça a été une opération très difficile parce qu'en droit cubain, il a fallu créer la législation qui n'existait pas encore vraiment. Et ensuite, il a fallu internationaliser la chose, précisément dans un contexte de lutte avec les États-Unis qui essayaient de l'empêcher. Bon. Finalement, on a assez bien réussi, sauf dans les pays qui étaient vraiment très, très, très, très manipulés par les Américains, mais on a particulièrement réussi en France. Il existe un traité international qui s'appelle l'arrangement de Lisbonne qui a permis d'étendre les appellations d'origine cubaine à un certain nombre de pays et par conséquent de permettre aux Cubains de réexporter leur rhum, leur cigare, leur tabac, etc. Tabac pris et tout ce que vous voulez, mais c'était sur les cigares, bien sûr, dans un certain nombre de pays, et ça a permis, dans une certaine mesure, de débloquer le blocus américain, puisque là on avait un droit positif, incontestable, qui empêchait le caractère inhibant du blocus. Cette longue bataille, très amusante, je dois dire, parce que c'était très stimulant, m'a donné une certaine visibilité, une certaine réputation en la matière. On est il y a très longtemps, hein, on est dans les années 70. Mais ensuite, j'ai été amené à traiter d'autres dossiers autour donc de ce que j'appelle, ce qu'on en a appelé dans le titre, la valorisation de la typicité. Alors la valorisation de la typicité, c'est quoi? C'est prendre les caractères originaux de quelque chose, ce quelque chose étant à l'origine un produit, mais vous allez voir que ça ne peut ne pas être qu'un produit, ça peut être beaucoup d'autres choses, et de tâcher de... d'en tirer une valeur ajoutée qui produit à la fois les effets économiques, c'est-à-dire une meilleure vente du produit ou du service en cause, et aussi un des effets sociologiques dont on va parler tout à l'heure, notamment en matière de population locale, etc. Donc j'ai été amené par la suite à être consulté sur des thèmes de ce type, et j'ai fait une grande partie de ma carrière autour de la valorisation des produits, et dans une certaine mesure d'ailleurs d'autres choses dont je vais vous parler. Et c'est donc comme ça que je suis entré dans cette problématique sur laquelle, à l'époque, j'ai peu écrit parce que j'étais plutôt investi dans d'autres champs. Mais je n'étais pas seul, bien sûr. Et dès les années 80, en particulier en 1987, le ministère de la Culture a publié un document fondateur qui s'appelle « Le patrimoine comme outil du développement local ». C'est un document un peu oublié, que je vous recommande, qui est extrêmement important. Et puis, mais il s'agissait à l'époque, on pensait à l'époque essentiellement aux produits emblématiquement les vins et les fromages en ce qui concerne la France. C'était ça l'idée. Et puis, il se passait des choses à bas bruit, notamment en Corse, avec l'économie, ce qu'on a commencé à appeler en Corse l'économie identitaire, notamment autour de la châtaigne, la variation de la châtaigne, qui en Corse a été une chose extrêmement importante. Alors, un certain Isaac Chiva, qui est un sociologue français, a publié en 1994 un rapport sur une politique pour le patrimoine rural et qui a, ce faisant, élargi un petit peu des produits au sens strict à un certain nombre de choses, notamment l'architecture rurale comme élément du patrimoine de nature à pouvoir être valorisé pour en tirer un certain nombre d'avantages. Puisque je vois mon ami Pouy ici, je rappelle une histoire intéressante qui est fondatrice. En 1995, a été créé ce qu'on appelle un pôle d'économie du patrimoine en Roussillon, en Perpignan, dont le but, qui s'appelait Sivom, de son petit nom, Sivom et Sivom, dont le but était d'attirer les touristes balnéaires qui vont se masser sur les plages de la Méditerranée vers l'intérieur de la Catalogne, qui était complètement vide de touristes à l'époque. Et on a créé des itinéraires appelés Catalogne romane à l'intérieur du Roussillon, donc de la Catalogne nord. Et ça a bien marché, ça a très bien marché, ça s'est considérablement développé. Et maintenant, ça a aidé à revitaliser toute une série de bleds qui étaient complètement endormis. Et c'est une des premières expériences au sein de l'Hexagone qui a vraiment donné un résultat assez, assez sensationnel. Toutes ces expériences ont fait ressortir, il y en a d'autres qui se sont déroulées un petit peu, notamment en Alsace, j'avais parlé de la Corse, il y a eu l'Alsace. Vous allez voir, je vous le dis en passant, mais vous allez comprendre que toutes ces expériences particulièrement, je dirais, à succès, sont des expériences qui se situent dans des zones à forte typicité culturelle. Alors qu'on parle des produits, on parle du fromage, du vin, des châtaignes ou du foin, de l'accro, et ça, c'est toujours dans des zones dont la spécificité culturelle et donc linguistique est très forte. C'est amusant. Il y a une correspondance, il y a une synergie intéressante qu'il faut déjà noter à ce moment-là. Et donc cette observation a fait ressortir deux concepts. Un concept dont je vous ai déjà parlé, qui est la typicité, qui prend de la substance à mesure que le temps passe et que les expériences se multiplient, mais un autre concept qui est celui de terroir. Terroir, c'était à l'origine assez connu en Bourgogne en ce qui concerne les crus, c'est-à-dire c'est un assemblage de sols, de climat, d'orientation, etc., etc. Mais là, ça se développe, ça se généralise et on commence à développer une notion de terroir beaucoup plus large qui s'applique à tous ces objets de valorisation. Donc ces deux notions qui deviennent centrales et là se développe toute une littérature importante. J'ai fait passer une bibliographie riche parce que je me suis dit que ça pouvait intéresser pas mal de monde, donc vous trouverez énormément de choses là-dedans. Dans les années 2000, l'extension du domaine de la lutte, m'aurait dit quelqu'un d'autre parce que c'est vraiment une lutte, se poursuit. Et on voit des expériences se développer dans des domaines auxquels on n'aurait pas songé initialement. J'en cite quelques-uns. L'architecture régionale, j'ai déjà mentionné, très important en Bourgogne, en Flandre, en Alsace notamment, mais il y a des expériences en Bretagne aussi. L'agrotourisme, qui est tout un champ que vous connaissez sans doute assez bien. La gastronomie. Alors la gastronomie, c'est très important parce que on a fait tout un... Il y a tout un développement, on pourrait faire une conférence sur ce sujet-là, autour du goût. Et du goût lié au terroir et aux régions. Et il s'est même créé une académie française du goût, dont l'activité consiste à effectivement essayer de valoriser les produits des terroirs. Et puis, dans la foulée, étant donné qu'on avait parfois du mal à vendre certains produits, on a créé des routes du... Alors, les routes, on a commencé par la route du vin en Alsace, puis en Bourgogne, puis toutes les autres, du Muscadet, pour ne pas aller très loin d'ici, puis les routes des fromages, et puis des routes même liées à des personnages historiques, à des peintres, je pense à la route des Bréas dans le comté niçois. Bon, bref, des routes partout qui favorisent la pénétration dans des zones non irriguées par le tourisme et la découverte des produits. Ça, j'y reviendrai peut-être. On rencontre à ce niveau-là, au niveau notamment des routes, quelque chose qui est très intéressant, c'est la synergie entre les divers types d'objets concernés. Si on fait une route, elle va concerner sans doute le vin, mais elle va s'occuper aussi de l'architecture, mais elle va aussi s'occuper de la culture locale, mais elle va aussi s'occuper de la musique, etc., etc. Donc il y a une synergie entre les divers éléments d'attractivité qu'il faut savoir faire jouer, et il existe maintenant des manuels qui ont été publiés, notamment en ce qui concerne l'économie alpine, par les chambres de commerce, etc., indiquant aux gens comment ils peuvent faire jouer cette complémentarité qui va permettre d'attirer des gens curieux, un tourisme intelligent en général, un tourisme de culture, qui va être intéressé à la fois par faire un bon dîner, mais aussi par aller visiter une chapelle romane, mais aussi par la culture locale. La culture locale, a priori, ça peut être le chant et la danse, mais ça peut aussi, et c'est un petit peu, j'ai vu la conférence de Boissel-Dubourg hier, ici même, sur l'intérêt que peut présenter la langue régionale en tant qu'attrait touristique. C'est un élément dont je ne parlerai pas beaucoup, mais qui est très intéressant. Il y a eu notamment des études de la municipalité de Rennes, on a fait une analyse au Pays de Galles, etc. La langue régionale, la langue minoritaire, différenciée, présente, est en elle-même un objet d'attrait culturel touristique qui représente une valeur ajoutée. Donc c'est un des éléments de ce cocktail auquel il faut penser. Ça vaut, je centre mon propos sur la France, mais naturellement ça vaut partout. Ça vaut aussi bien au Vietnam que... J'ai eu l'occasion de m'occuper de dossiers un peu partout d'ailleurs. Donc c'est, voilà. À partir de 2002, en France, la notion devient très visible, notamment parce qu'il y a toute une série d'articles qui paraissent dans Le Monde à ce moment-là, et notamment concernant en 2002, notamment concernant les expériences corses. Et puis, c'est le moment aussi où on commence à penser que la lutte contre le chômage, qui devient vraiment massif en France, peut être intéressé par cette question, en liaison notamment, et là je pose la chose, mais vous avec l'agriculture biologique, parce qu'il y a un lien naturellement très étroit en matière de produits entre l'agriculture biologique et la valorisation de la typicité. C'est pratiquement la même chose. Donc ça, c'est tout un champ économique qui s'ouvre. Vous avez qu'à voir les magasins bio qui s'ouvrent partout. C'est une nouvelle forme d'économie liée à l'agriculture de typicité qui se développe. Et puis, un autre truc, c'est aussi je parlais des routes tout à l'heure, etc. C'est aussi au changement de mœurs des Européens en matière de vacances. Au lieu de prendre des vacances longues et résidentielles dans un endroit où ils vont au bord de l'eau, pêcher à la ligne, ou prendre des bains de soleil, ils prennent maintenant des vacances courtes autour d'un thème, des vacances thématiques. Et dans le cadre de la recherche de vacances thématiques relativement courtes, ben naturellement l'économie de la typicité trouve sa place, parce qu'on voit des gens qui vont prendre un coup les canaux de Bourgogne, un coup le circuit du Trobreiz, un coup, enfin, etc. On a chaque fois des... Et tout ça donne leur chance à des domaines économiques qui avaient été délaissés jusque-là. Quelque chose à ce stade, mais je ne veux pas être long, mais je voudrais quand même vous dire quelque chose du droit. Parce que... Du droit disponible. Parce que pour tout ça... on est en France tout particulièrement riche en instruments. Il y a deux champs. Le champ le plus connu, c'est le champ produit. Une fois on part toujours les produits, c'est la base. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le domaine des produits? Ben, le premier instrument juridique, c'est la marque de fabrique. La marque de fabrique et de commerce qui existe en France depuis... De type moderne depuis 1857, et notamment ce qu'on appelle la marque de certification ou la marque collective. C'est des marques qui sont destinées à être utilisées par tous les producteurs d'un certain nombre de produits s'ils se conforment au cahier des charges stipulé par la marque, avec les organismes de contrôle, etc. Ça vaut pour une masse considérable de produits, genre poulet de loué, artichaut, du lion, etc., etc. Il y a une masse de produits qui vont être valorisés par le biais de la marque. la marque fait l'objet ensuite, par le biais du titulaire, qui est un organisme syndical ou collectif, d'une publicité qui va permettre d'aspirer, par le biais de la valorisation de l'image, toutes sortes de produits qui étaient plus ou moins enclavés autrefois. On a même des cas tout à fait remarquables. Par exemple, le Pélardon, qui est un fromage du Languedoc, qui avait fait l'objet d'une relance, c'est-à-dire d'un produit qui avait disparu et qu'on a relancé, comme la bière Coreffe d'ailleurs, et qu'on a relancé, et qui a fait l'objet ensuite d'un gros succès commercial. Même dans la foulée de la succès du fromage, le Pélardon, on a fait des journées du Pélardon, puis une route du Pélardon. Et tout ça, ça a considérablement animé des zones du Languedoc qui étaient complètement somnolentes auparavant. Donc là, vous avez... Et tout ça sur la base d'une marque. C'est une marque de fabrique, mais sous forme de marque collective. C'est l'un... Et donc la marque, c'est un droit, ce qu'on appelle un droit d'occupation, comme une chaise, on s'assoit dessus et on se le garde à soi. C'est renouvelable tous les 10 ans et ça peut durer éternellement. C'est un droit privé. C'est un droit privé. C'est un droit privé qui est régi par une loi sur les marques qui est dans le code de la propriété intellectuelle, le code de propriété, version code de propriété industrielle du code de la propriété intellectuelle. C'est l'instrument principal. Ça existe dans tous les pays du monde et donc on peut toujours l'utiliser. Et puis, incidemment, ce qu'on appelle les labels couramment, ce n'est autre qu'une forme de marque. Le label est une marque. Sa forme juridique du label, c'est une marque. Alors, tous ces labels que vous voyez dans les grandes surfaces ou... aussi bien d'ailleurs pour les produits. Il y a tout un champ dont je ne parlerai pas beaucoup parce qu'il est très spécifique et un peu complexe. D'ailleurs, c'est le domaine des parcs naturels régionaux. C'est l'un des principaux instruments de valorisation de la typicité en France aujourd'hui. Mais les parcs naturels régionaux, il y en a maintenant partout. Et par quoi sont-ils symbolisés? C'est par leur marque. Leur marque, c'est un label. Et ce label, il est donné au PNR en fonction du respect par l'administration du PNR d'un cahier des charges. Et là aussi, le label du PNR, l'Oise, par exemple, c'est une marque collective de certification du droit français des marques. Alors, fini pour le droit des marques, vous avez un autre champ que j'ai déjà abordé il y a quelques minutes, qui était celui des appellations d'origine. Appellations d'origine protégées en droit français, appellations d'origine contrôlées, pardon, en droit français, appellations d'origine protégées en droit communautaire. Parce que là, Paris a réussi à suggérer à ses partenaires de l'Union européenne, plus généralement d'ailleurs de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, de créer des appellations internationales, donc de passer niveau national ou même le niveau des conventions interétatiques pour aller vers des institutions transnationales. C'est ce qu'on appelle les appellations d'origine protégées. Alors, vous souvenez de l'affaire du Cuba, j'ai commencé pour ça tout à l'heure par ça, parce que c'est assez exemplaire, mais à l'heure actuelle, par exemple en matière de vin en France, il existe plus de 400 appellations d'origine vitivinicole en France. Et c'est pour ça qu'en dépit du fait que ces vins sont chers, ils arrivent quand même à se vendre à l'étranger. C'est qu'on a par les interprofessions et par le biais notamment de l'INAO, une remarquable valorisation de la typicité des appellations de vins françaises à l'étranger. C'est vrai pour le fromage, c'est vrai pour la noix de Grenoble, c'est vrai pour les émaux de Limoges. Les appellations d'origine, on a dans tous les domaines maintenant, aussi bien des domaines agricoles que des domaines industriels. Donc ça s'est développé de façon considérable, il y en a dans le monde entier. Les États s'échangent entre la liste des appellations qu'ils doivent respecter et ça ne marche pas toujours. Par exemple, on n'a pas réussi à faire respecter l'appellation champagne en matière de vin mousseux d'appellation aux États-Unis. L'INAO français, l'Institut français des appellations d'origine, n'a pas réussi aux États-Unis, mais on a réussi en revanche au Canada, etc. Donc c'est une petite bataille qui se livre pour une raison assez simple. La raison pour laquelle on n'y arrive pas est assez simple, c'est que très souvent, avant la création du système des appellations d'origine, certaines régions de l'étranger avaient déjà commencé à appeler, par exemple, leur vin mousseux champagne. Il y a ce qu'on appelle les droits acquis. C'est-à-dire que si des Américains faisaient déjà en Virginie des vins mousseux, ce qui est le cas, le droit acquis empêche que le système français d'appellation d'origine par échange entre Washington et Paris s'impose aux États-Unis. La notion de Chablis était généricisée en Allemagne, par exemple, très tôt. Et la notion de Camembert était même tombée en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appellation d'origine Camembert. En revanche, on a réussi à récupérer une appellation camembert de Normandie, assez restrictif. Mais n'importe qui peut perdre. Le plus gros fabricant de camembert à l'heure actuelle au monde, je crois, c'est les Danois pour l'instant, de camembert stricto sensu. Donc voilà pourquoi on n'avait pas réussi. Donc appellation d'origine protégée et appellation d'origine contrôlée, c'est un mécanisme extrêmement intéressant pour tout ce qui est donc les produits. Voilà. Mais si vous avez quelques moments que ça soit des questions, n'hésitez pas, je suis. Vous parliez du champagne. Oui. En Catalogne, effectivement, on n'a plus le droit d'utiliser le nom de champagne, mais de cava. Alors, cava, c'est le terme espagnol. Hein. C'est le terme espagnol pour le champagne qui est fabriqué essentiellement en Catalogne, d'ailleurs, avec la méthode champenoise, mais avec une autre appellation, bien sûr. Et en russe, on dit toujours champagne. Dans le livre de Dostoïevski, par exemple, ils boivent tout le temps du champagne. Alors que c'est vrai, donc voilà, le terme de champagne se vend toujours en Russie aujourd'hui, mais c'est de la piquette pétillante, quoi. Oui, alors, oui et non. C'est vrai qu'il y avait le fameux Sovietskoy Champagneskoy, qui existe encore sous une certaine forme, mais progressivement, à la suite d'accords franco-russes, on est en train de le remplacer par un autre terme, qui est Igraskoye, Champagneskoye, Igraskoye. C'est en train de venir progressivement, mais ça reste encore effectivement. Et j'ai conduit, ça c'est pour la petite histoire, j'ai conduit un contentieux en Ukraine qui avait été ouvert en 1898. Et lorsque j'ai terminé de travailler, j'ai pris ma retraite, eh bien, ce contentieux n'était pas terminé. Et ça concernait effectivement Champagne en Ukraine. Donc c'est dire que c'est une histoire qui a des racines. Alors, je termine donc là-dessus, sur les mécanismes juridiques. Je reviens un petit peu à l'histoire, et là, j'en ai encore pour 10 minutes, c'est bien. Oui, 10 minutes, pas de problème. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé des événements? Nous sommes maintenant donc dans les années début du 21e siècle. Il y a eu plusieurs événements qui ont... sont intervenus pour favoriser encore la question, surtout en matière de produits, favoriser encore la question de l'avantage de la typicité. C'est d'une part l'affaire de la vache folle, et d'autre part l'affaire des OGM. Dans les deux cas, ça vous rappelle quelque chose. Or, les produits de typicité, les produits bio, sont en général précisément protégés de ça. Donc ça a donné un coup de pouce tout à fait significatif, parce qu'on s'est aperçu que les produits traditionnels non manipulés c'était ce qu'on appelait des réservoirs génétiques, c'est-à-dire qu'ils avaient une capacité de résilience, de résistance aux maladies, etc., qui était tout à fait extraordinaire, et que par conséquent, l'intérêt de préserver, de valoriser ce qu'on appelait l'agriculture de terroir était absolument majeur dans ce domaine. Donc encore un coup de pouce dans la bonne direction, et ça a été particulièrement vrai en ce qui concerne les vitres de Bretagne, notamment. Les fromages de Salers sont eu des coups de pouce liés à cette capacité à résister à un certain nombre de menaces écologiques. Je saute un certain nombre de choses. Progressivement, je vous disais donc... des produits, on passe à la valorisation de ce que les sociologues appellent le soubassement sociologique du produit. C'est-à-dire que du produit, par exemple du fromage de Gruyère, ça c'est un exemple très typique en Suisse, on est passé à la valorisation de la région de Gruyère. Et la région de Gruyère, on est passé à la valorisation de l'architecture, de la protection du paysage, et même de la protection des modes de vie, des structures de village, et même de la dialectologie. Tout ça a été un ensemble qui, du soubassement du produit, parce que le lien entre le produit et la structure sociologique qui le génère est absolument évidente. Elle est évidente, mais elle est encore plus claire quand on la démontre. Et là, on l'a démontré dans des cahiers des charges. Ça a été en particulier le cas dans la région de Gruyère. C'était en France le cas dans la région de Beaufort. Ça a été le cas, d'une certaine mesure, dans la région du Larzac, en ce qui concerne Roquefort. Et donc, ben, en entraînant quelque chose, on entraîne autre chose et ça se développe de façon exponentielle. Exponentielle, oui, mais tout le monde n'est pas content de ça. Il y a des intérêts économiques très importants qui s'y opposent. Et naturellement, au niveau de la grande distribution notamment, c'est assez ambigu. Et puis, il y a d'autres éléments qui s'y opposent aussi. C'est très souvent... des querelles de voisinage, des querelles de chapelles, des oppositions entre les milieux traditionnels et les néo-ruraux. C'est tout plein d'éléments qui sont venus se mettre en travers de la route. Un élément intéressant que je rappellerai ici parce qu'il m'est familier, c'est la question des loups dans le Mercantour. Autour du village d'origine de mon épouse, Suzanne, dans le nord du comté de Nice, c'est le parc du Mercantour. Et le parc du Mercantour, c'est une zone traditionnelle d'élevage des moutons. Mais c'est aussi, depuis quelques décennies, une zone de retour spontané, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, du loup. Et le loup est un des éléments d'attractivité du Mercantour, à tous égards. Ça fait partie de l'image du Mercantour pour les visiteurs. Mais c'est aussi vrai qu'un certain nombre de loups mangent les moutons, et tuent même des moutons sans les manger, ce qui est plus ennuyeux. Donc vous avez là une violente querelle, qui prend parfois un tour physique même, entre les militants écologiques, les militants du tourisme identitaire et culturel, contre les représentants des bergers, et parmi les représentants des bergers, des milieux politiques, notamment le Front National. Parce que le Front National est très fort sur le côté des bergers, pour des raisons qui ne nous échapperont pas. Donc, ça représente un blocage considérable. On a encore abattu des ours dans les Pyrénées il y a très peu de temps. La réintroduction du gibet, bon, l'ornithologie est un élément important. Les oiseaux sont un élément important de l'attractivité d'une région. Et on a abattu des gibets qu'on avait importés à grands frais il n'y a pas longtemps. Donc, il y a une bataille qui se déroule et dont les enjeux ne sont pas toujours très clairs. Et puis, il y a des critiques de la valorisation massive de la typicité. Il y a des régions qui en ont fait quand même un peu beaucoup. La Bretagne est parmi les régions qui ont massivement valorisé la typicité. Si vous allez dans les stations-service, même dans le Maine, qu'est-ce que vous voyez ? C'est les guenadus partout. Bon, là, c'est pas dangereux, c'est un peu ridicule, mais c'est pas dangereux. Mais parfois, à force de vouloir faire venir des gens, eh bien, on aboutit à deux choses, à une folklorisation de la culture. Et ça, c'est particulièrement visible, pas particulièrement en Bretagne, mais dans certaines autres régions où ça devient, il n'y a plus que le folklore. Donc, on aboutit au résultat inverse de ce qu'on a souhaité. Et d'autre part, les déprédations, les dégradations écologiques. Parce que si ça marche trop bien, à Madère, par exemple, c'était épouvantable en matière de variété, diversité végétale. Il a fallu qu'on écarte les gens d'une grande partie vers des circuits en les promenant en bus, etc. Et ça, parce qu'on allait tout foutre en l'air. Donc le succès produit lui-même un risque de contre-effet extrêmement dangereux. Donc là aussi, c'est à gérer avec intelligence, avec doigté et surtout avec une collaboration interprofessionnelle. Parce que... Et or, c'est très difficile, en particulier en France, de faire travailler les gens ensemble. Il y a des chapelles différentes qui s'opposent, des cultures différentes, et par conséquent, on a des freins qui expliquent qu'en dépit de l'évidence de l'utilité d'une économie identitaire, par opposition à une économie genre Beauce ou Brie, avec d'immenses exploitations qui font des blés génétiques, eh bien, il y a des réticences pour des raisons à la fois économiques, politiques, sociales et culturelles. Donc le bilan aujourd'hui de cette expérience d'économie identitaire, encore une fois extraordinairement multiforme, parce que je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'était indispensable. Le bilan, il est contrasté en France. Il est relativement bon, par exemple en Alsace, en Corse, mais il est relativement faible ailleurs. Il est bien meilleur dans certains pays, je pense en particulier à la Suisse, au Danemark, la Suède, comme pays européen, qui ont réussi à mettre en place des mécanismes avec une bonne collaboration entre les diverses professions en cause, les divers milieux en cause. Mais il reste énormément de travail. Mais si ce travail était fait, je pense qu'il y a là un avenir important pour éviter notamment la désertification de certaines zones. C'est l'un des grands enjeux. Et avec la diversification, avec la désertification de certaines zones, la disparition des cultures correspondantes. C'est particulièrement de nature à vous intéresser ici, parce que s'il n'y a plus un creuset suffisant pour qu'une culture vive, eh bien évidemment elle va mourir, et une langue ou un dialecte avec. Si on arrive à maintenir un mode de vie, un niveau de vie, et pour ça une main d'œuvre importante, parce que toutes ces valorisations impliquent une main d'œuvre importante, et bien dans ce cas-là, pour toutes les raisons que je vous ai décrites précédemment, il y a plus de chances que la culture et la langue se maintiennent. Ça pourrait valoir pour le parc régional d'Armorique, par exemple, si là aussi il n'y avait pas un certain nombre de freins dus à toute une série de problèmes entre les communes différentes, entre les syndicats différents, etc. Voilà, donc je crois que je vais m'en arrêter là pour le laïus. Maintenant, je serai prêt à ce qu'on le discute. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Donc la parole est à la salle. Moi, je vais profiter de la voir pour la garder juste une seconde. Donc par rapport à notre thème général qui est les minorités nationales et puis la construction de l'autonomie, est-ce que tu pourrais creuser un petit peu deux ou trois exemples de minorités nationales qui ont valorisé particulièrement la typicité? Je pense par exemple la Corse, tu as évoqué le cas de la Corse, mais ça peut être ailleurs en Europe, et ce que ça a donné comme impact, en quoi ça a marché, tu disais que ça avait marché par exemple en Corse. Est-ce que tu aurais deux trois exemples à nous donner en Europe? Oui, en Corse, j'ai deux exemples, enfin c'est un peu le même, c'est la valorisation de la châtaigne. Dans les zones de production intense de la châtaigne, on a réussi à faire toute une série de produits, et en particulier des bières, à partir de châtaigne, avec toute une propagande, toute une publicité à la fois autour des produits et autour de la civilisation de la châtaigne, qui ont contribué à être des produits que vous voyez maintenant sur les rayonnages, que ce soit des pâtes de châtaigne, que ce soit des bières, etc. Et toute série de produits. Donc c'était des produits d'exportation pour l'industrie de l'intérieur de la Corse, des zones qui étaient souvent en voie de désertification. Et on a créé aussi des circuits touristiques autour de la châtaigne, de l'architecture liée à la châtaigne, au séchage de la châtaigne, etc., qui ont amené pas mal de touristes qui autrefois seraient restés sur le littoral, et par conséquent le bénéfice. Il y a un bouquin qui détaille bien, qui s'appelle Economia Identitaria, que je cite dans la bibliographie, qui n'est pas en Corse heureusement malgré son titre, qui montre bien les diverses expériences autour du produit agricole. C'est essentiellement le produit agricole, mais encore une fois, le produit agricole est toujours le symbole d'une vie, en l'occurrence rurale, mais enfin, il y a des cas urbains aussi intéressants. Il y a un autre cas qui est intéressant, c'est la Frise. La Frise, la province néerlandaise de Friesland, de Frise occidentale, qui a fait une très forte valorisation autour notamment de la préservation de la nature, et tout particulièrement de la société dunaire, et notamment des oiseaux, avec des circuits, avec toute une série, et qui attire des ornithologues venus d'un peu partout, et c'est une clientèle en général assez cultivée et assez consommatrice. Par conséquent, la Frise a réussi, Helgoland aussi, Heligoland, dans le creux entre le Jutland et l'Allemagne, a fait une assez bonne valorisation de la typicité en matière géologique et ornithologique aussi. Vous avez très nombreuses expériences. Les Kashubes en Pologne ont essayé de valoriser énormément leur danse et leur chant, et avec un certain succès. On a ça même Alors, la cachoubie est difficile à voir, ça a donné une certaine visibilité à la province et ça c'est en train de s'étendre à la Warmie, qui était la province du nord-est, au nord de la Mazovie, en Pologne, qui est en train de mettre en place une certaine forme de valorisation aussi de son héritage. Alors là, il s'agit plutôt de l'héritage culturel protestant, allemand, puisque c'est cette zone qui était autrefois le sud-ouest de la Prusse orientale avant 1945. Le nord-est étant devenu l'oblast russe de Kaliningrad. Donc là, c'est une valorisation de ce type. Dans d'autres cas, c'est des valorisations, et elles sont fréquentes, alors là, c'est des valorisations de l'agriculture montagnarde, de la vie montagnarde autour de la transhumance, autour des fêtes, notamment dans le pays niçois, les festins, on appelle les festins, c'est le Festnoz niçois. Il y a des très nombreux exemples, et presque toujours, ça réussit, je vous l'ai dit, ça c'est amusant, j'ai pas... Comme si la typicité territoriale était en quelque sorte liée à la typicité culturelle, et le goût culturel était lié. C'est très à investiguer, j'ai pas de réponse. Je l'ai constaté un peu partout, et même des tout petits trucs. Par exemple, en Sicile, vous avez quelques villages albanais, avec une population où l'albanais se maintient depuis le 15e siècle. Mais ils attirent un tourisme considérable de gens qui viennent voir les Albanais de Sicile. Et c'est très intéressant. On vient voir les drapeaux albanais dans les voûtes des églises et entendre parler albanais. C'est incroyable, c'est des villages qui sont en Sicile. Eh bien, ils sont partis, combien c'était, aux environs de 1420 à peu près, lorsque Skanderbeg s'est fait battre par les Ottomans. Ce sont des diasporas qui sont partis à ce moment-là. Eh bien, figurez-vous que les gens qui viennent se marier avec des Albanais, des villages voisins de langue sicilienne ou italienne, apprennent encore l'albanais. Il faut le faire, hein. Quand on voit comme le breton a foutu le camp, où bah, on était quelques jours simultanément en Alsace, région que j'adore et où on va très souvent, eh bien, moi j'ai fait mes études de droit en Alsace. Eh bien, quand j'étais étudiant, tout le monde parlait dialecte. Aujourd'hui, le dialecte a disparu. Dans le courant de ma vie, le dialecte a totalement disparu. Il reste peut-être 200 enfants dialectophones dans toute l'Alsace, et encore c'est ceux qui sont dans le réseau d'études bilingues. La population dialectophone parmi les moins de 50 ans, en chute libre. Donc c'est triste. Or, bon, peut-être là il y a une piste, mais pour l'instant les Alsaciens sont très gênés, ont un problème parce que leur identité est une identité douloureuse, beaucoup plus douloureuse que celle des Bretons, des Basques ou des Corses, hein, ou des Catalans, ou des Flamands du Ouest-Ouk. Donc voilà, quelques petits exemples. Mais il y en a beaucoup, et ça mériterait d'être investigué. À mon avis, c'est un champ d'études considérable. Oui, j'ai trouvé l'exposé très intéressant, très stimulant, et aussi peut-être très optimiste, trop optimiste. Lorsque vous avez parlé des oppositions qui existent, malgré tout, et pas seulement les grandes surfaces, je n'ai trouvé aucune référence à ce que représente l'État centralisé, centralisateur français, qui s'oppose, ou du moins qui modifie et qui mutile toutes ces initiatives avec un esprit de folklorisation de la culture qui est massive. La disparition des langues est une preuve de ce phénomène, mais il existe la même chose sur les cultures. Et donc, je pondérerai le propos en disant tout cela est bien beau, ça va peut-être dans le sens de l'histoire et de l'écologie en particulier, mais qu'en est-il des forces contraires qui sont très puissantes du point de vue économique et du point de vue politique? Je ne suis pas très jacobin de nature, hein. Mais je crois quand même que la nuisibilité de Paris, pour parler de la France, hein, est dans ce domaine en régression. C'est-à-dire que il y a des avancées dans le domaine des autonomies régionales, il y a aussi quelques régressions, mais il y a quelques avancées. Mais je crois qu'il y a moins de volonté de la part de l'État maintenant, notamment de l'éducation nationale, Je ne dirais pas la même chose des syndicats. Mais il tend à lâcher quand même, dans une certaine mesure, l'oppression culturelle séculaire. On donne de plus en plus, regardez comme c'est vrai en Corse, regardez comme c'est vrai en Nouvelle-Calédonie, il y a quelques avancées. Je ne pense pas que aujourd'hui la principale menace vienne de Paris, je pense qu'elle vient plutôt de l'indifférence et de la désunion des gens à la base. Mais c'est une opinion qui n'engage que moi. Mais je crois que quand on veut vraiment aujourd'hui, Paris n'est plus un obstacle déterminant. Mais encore faut-il vouloir vraiment, il faut y croire. Et la langue, bon, c'est quand même un élément d'atypicité, on peut en dire un mot. Moi, quand j'étais enfant, il y avait 1 million de Bretonnants, à l'heure actuelle, il y en a moins de 200 000. C'est pas entièrement la faute de Paris, hein. C'est pas entièrement la faute de Paris, c'est aussi que le peuple breton se fout de sa langue, grosso modo, pour dire les choses simplement. Et encore, c'est un des plus concernés, mais les autres, les Occitans par exemple, c'est quand même pas la joie. On vient de vous parler des Alsaciens, donc il faut quand même pas toujours accuser les autres. Je crois que la prise en main de son propre destin, notamment en matière culturelle, dépend quand même beaucoup des gens. Voilà. Mais je ne suis pas encore d'accord, désaccord avec ça, mais je nuancerais quand même un peu moins. Je vais vous poser une question qui est sur un point que vous avez abordé, mais qui je pense est important de soulever, c'est comment on passe de la valorisation de la typicité à la marchandisation de l'identité. C'est vrai que vous parlez des grandes surfaces, vous dites qu'elles sont opposées. En Bretagne, à la période d'été, vous voyez dans toutes les grandes surfaces des rayons de produits bretons. Tout à fait, tout à fait. Donc je dirais que les choses sont recyclées, ambiguë. Sont entièrement marchandisées. Donc c'est vrai que la question de l'image, je dirais, elle est présente à la fois dans la valorisation de la typicité, on la retrouve aussi dans la commodification, comme disent les Québécois, de l'identité, c'est-à-dire la marchandisation. Mmh. On trouve aussi l'aspect institutionnel, c'est-à-dire la protection juridique, tous ces éléments qui vont vers la reconnaissance effectivement de l'identité. Mais ce qui fait la différence, c'est ce que vous avez appelé le soubassement sociologique. C'est vrai que le soubassement sociologique, je dirais, s'il est absent, on a quelque chose qui n'est rien d'autre que du marketing ethnique, en fait, c'est-à-dire une marchandisation, un argument de vente qui vient de l'identité. Par contre, est-ce que tout cela ne pose pas la question du modèle économique qu'il y a derrière? C'est-à-dire que la question apparaît peut-être moins en France ou en Europe, mais elle apparaît de façon beaucoup plus claire. Dans le tiers-monde, par exemple, dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, où effectivement on parle maintenant d'économie équitable, c'est-à-dire d'un rapport basé à la fois effectivement sur la reconnaissance de la typicité, mais aussi un échange, je dirais, plus équilibré, avec aussi des objectifs d'éducation des producteurs, je dirais toute une assise sociale derrière cette activité économique. Donc c'est effectivement la problématique qu'il y a, que vous avez évoquée, mais peut-être. Je souhaiterais qu'on puisse en discuter et l'approfondir. C'est cet aspect, effectivement, comment on passe de ce qui est la valorisation économique de l'identité à véritablement valoriser l'assise sociale qui est derrière. Vous posez parfaitement la question. Je n'ai pas de réponse, parce que le risque de dérapage est tout à fait dominant. Moi, je ne suis pas contre la marchandisation, mais à condition qu'il reste un contrôle démocratique par le corps social, par la base, et que ça ne devienne pas uniquement un objet, un objet économique au bénéfice du capital. Au meilleur capital, on ne peut s'en passer. Par conséquent, c'est toute une question de conscientisation de la base. Et de prise en main de ses intérêts et de ses responsabilités par la base. Alors elle existe souvent dans des zones comme en Suisse, où on est citoyen de sa commune, citoyen de son canton, avant d'être citoyen de son État. C'est assez facile, parce que là, l'appartenance territoriale est perçue charnellement et concrètement. C'est beaucoup moins facile en France, avec cette espèce d'atomisation du citoyen face à l'État qui déresponsabilise et dans une certaine mesure crétinise. Je ne peux pas dire, mais là je suis d'un anti-jacobinisme virulent. mais pas par nature. Je pense que j'aurais toujours souhaité une France fédérale. Donc la seule solution, c'est d'aller politiquement dans cette direction et socialement vers une économie solidaire. Donc évidemment, je ne traite que d'un tout petit sujet sur une toile de fond qui mériterait effectivement d'être élargie. Mais ça, c'est deux choses. C'est un approfondissement de la démocratie, Dieu sait qu'elle en a besoin, et aller vers une économie solidaire complémentaire de l'économie capitaliste. Pas de se substituer, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc bien sûr, il faut travailler sur tous ces terrains. On peut pas, si on travaille que sur un seul terrain, on est pratiquement sûr de ne pas y arriver. Mais là, j'avais un sujet très... Mais votre question est absolument pertinente. Pour moi, elle est même déterminante. Mais c'est vrai que la question se pose aussi pour l'inscription au patrimoine matériel, par exemple. C'est vrai que dans certains cas, on peut avoir quelque chose qui est évidemment un moteur pour le terroir, enfin le contexte local. Et dans d'autres cas, on peut avoir un système de fermeture, de verrouillage par quelques acteurs qui finalement dessaisissent les gens qui sont à l'origine, je dirais, de la culture, de la pratique culturelle, et leur ferment certains accès au marché et puis une certaine façon de concevoir... artificiellement la culture, de la reproduire, de la cadrer dans des modèles et des normes. Ouais, alors là, vous touchez des champs qu'il faut un peu expliquer, parce que sans ça... Bon, la patrimonialisation dont vous parlez, c'est il existe des listes, notamment c'était le patrimoine immatériel de l'UNESCO, qui est un concept nouveau. L'UNESCO, il y a deux types de patrimoine, patrimoine matériel ancien, patrimoine immatériel récent, et l'UNESCO a maintenant entrepris de recenser pays par pays, état par état et région par région les patrimoines immatériels, et d'en faire des publications. Et cette publication représente en elle-même une certaine forme de protection. On note d'ailleurs que la publication... c'est plutôt en matière de patrimoine matériel, mais ça joue un peu dans les deux domaines. La publication des gros bouquins par l'UNESCO sur le patrimoine est un élément d'appel touristique extrêmement important. C'est vrai, ça, c'est important, ça fait partie du champ. Je ne peux pas en parler parce que c'est trop long, mais il y a un deuxième élément derrière, c'est la captation des bénéfices éventuels attiré d'une patrimonialisation ou même d'une valorisation de la typicité par des opérateurs individuels, puissants et disposant déjà des réseaux. C'est un risque imminent et on le voit dans beaucoup d'endroits. Un exemple très intéressant, c'est la captation d'images du Mont Saint-Michel par et de la mer Poulard, en l'espace de quelques décennies, de façon absolument invraisemblable, qui ont été versées tout le monde du marché autour d'un produit industriel qui n'a rien de Mont Saint-Michelois, ni même de Normand. Et c'est typiquement ce genre de captation qu'il faudrait éviter. Mais ça ne peut se faire que par le biais d'une conscientisation de la base. Et je vois la jeune femme de Djibouti, c'est particulièrement vrai dans les pays en développement, et en République de Djibouti, il y a plein de produits qui pourraient être valorisés, mais il y a un chemin considérablement à faire, parce que là aussi on sort à des féodalités un peu partout, et c'est très difficile. Mais c'est particulièrement riche dans les pays en développement, qui ont des produits d'une grande typicité, d'une grande appel, mais qui sont en général recyclés par des entreprises capitalistes des pays importateurs, en enlevant pratiquement l'essentiel du bénéfice que pourraient tirer les producteurs locaux. Donc on a là des phénomènes d'impérialisme économique qui sont toujours bien présents, et alors moins présents, c'est vrai, en ce qui concerne ce qui se passe au sein de l'Hexagone, par exemple, mais très présents en ce qui concerne les rapports avec les pays ex-colonisés par la France, notamment, oui, c'est vrai. Très intéressant. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'exportation de la typicité? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que vous estimez qu'il y a une solution au fait que, par exemple, quand on développe les AOC qu'on exporte, on développe la typicité, mais de ce fait, on développe la facture énergétique. Et de plus en plus d'écologistes sont pour qu'on mange locavore, et ils estiment qu'on ne doit pas acheter ce qui vient de l'extérieur. Si bien que le développement de la typicité, dans cette hypothèse-là, ne devrait pas déboucher sur de l'exportation. Est-ce que de ce fait, le développement de la typicité n'aboutit pas, dans une société saine, au développement des consommations locales par des étrangers qui viennent dans les pays dans les pays producteurs. Mais est-ce que ça ne pose pas un problème vis-à-vis de l'argent? C'est moins cher d'acheter du vin à New York que de se payer un voyage de New York à Bonn pour picoler le vin de Bourguignon. C'est insoluble. C'est pour ça que je pose la question. Vous avez raison. Oui, vous avez naturellement raison. Mais donc là, je suis d'accord, donc je ne vais pas. Mais en revanche, l'appellation d'origine, camembert de Normandie, va permettre de faire en sorte que moins de camemberts danois seront vendus à Caen. Parce que déjà, ils ne pourront plus mettre camembert de Normandie lorsqu'ils les produisent au Danemark. Donc là, vous avez, sans les problèmes de taxe carbone que vous avez évoqués, déjà un résultat considérable. C'est-à-dire se protéger sur place, protéger les produits authentiques sur place de la concurrence à bas coût de produits originaires de l'extérieur qui viennent les imiter. Or, ce n'est pas faux du tout. Lorsque le vin de Bordeaux a commencé à partir de 1919, la loi de 1919 a bénéficié des appellations d'origine, on vendait dans la région bordelaise beaucoup de vin du Roussillon et beaucoup de vin de la Midi-Jarre, qui étaient produits donc de moins en moins cher selon qu'on descendait vers le sud. Et on a protégé et valorisé le vin de Bordeaux, qui a gagné considérablement en qualité de ce fait, et a reconquis les parts de marché qu'il avait perdues à la suite du phylloxéra dans les années 1860. Donc, cet inconvénient que vous mettez en valeur et que je partage tout à fait, il ne vaut que marginalement. Malgré tout, c'est quand même pas à New York qu'on va consommer la plus grande quantité de Côte de Beaune. C'est quand même, grosso modo, plutôt dans la région et dans une certaine proximité, voyez-vous. Donc c'est vrai, il y a un problème, mais ce problème n'est peut-être pas dominant. Voilà. Mais en revanche, qu'est-ce que vous voulez? Dans le monde contemporain, le tourisme est une réalité. Il vaut mieux que les gens viennent irriguer le pays d'Auge pour voir comment on fabrique la crème que de passer uniquement leur temps sur les Champs-Élysées ou sur la plage, voyez-vous. Donc de toute façon, ils viendront, ils se déplaceront. Autant vaut les faire déplacer intelligemment et au bénéfice des terroirs qu'autrement. Mais il n'y a pas de solution parfaite. Il y a un progrès que j'ai noté, excusez-moi, c'est le fait qu'à la fin des années 60, je demande à un oncle d'aller voir des vieux qui étaient dans un coin parce qu'il y avait une jolie cheminée. Il me dit, tu peux pas aller aujourd'hui, pourquoi? Ils font leur pain. Ils font leur pain et alors, ils ont honte de faire leur pain. Je lui dis, le matin même, j'avais fait 20 km pour aller acheter du pain chez les gens qui faisaient leur pain. Et si bien que de cet exemple-là, je me suis toujours dit qu'il est assez rare qu'on économise des évolutions. Des évolutions. Parce que par exemple, je ne veux pas ajouter, parce que ce ne serait pas vrai, que depuis j'ai été dans la fameuse ferme où je n'avais pas le droit d'aller et que la petite fille vendait du pain, le meilleur pain de Bretagne à tout le monde. C'est pas vrai. Mais à la limite, ça pourrait être ça, quoi. Ça pourrait être ça. C'est ce qu'on appelle le renversement des stigmates. Ouais. Le renversement des stigmates. Transformer un inconvénient en avantage. On y parvient parfois. Par exemple, la Flammenküche, qui est cette espèce de tarte flambée au fromage d'Alsace, elle était considérée comme honteuse, encore quand j'étais étudiant là-bas. Et maintenant, on la vend partout comme un produit valorisant. Oui, ça se renverse, les stigmates, mais ça demande une conscientisation et un travail intelligent. Mais c'est possible. On peut très bien arriver. Il y a tout plein de trucs qui étaient autrefois honteux et qui ne le sont plus. Il y en a plein. On parlait du Québec tout à l'heure. Toute la société québécoise qui était honteuse de ses traditions il y a quelques années, maintenant c'est devenu un attrait considérable et on y vient de tout le Canada. Donc oui, bien sûr. Mais c'est à nous, conscienciser précisément, d'essayer d'aller dans ce sens. Pour la Flammenküche, en Alsace, souvent, c'est même pas marqué, mais c'est marqué Flamme. Tarte alsacienne. Oui, tarte alsacienne. J'ai déjà un alsacien, il dit, c'est quand même bizarre parce que nous, on appelle ça tarte alsacienne, et vous, quand vous demandez d'avoir de la Flammenküche, c'est amusant. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Mais... Encore des questions? Oui. Moi, je veux juste ajouter, effectivement, par rapport à ce que vous avez dit, j'ai travaillé dans le secteur culturel et notamment dans la valorisation du patrimoine local. J'étais tout à fait d'accord avec vous, parce que j'ai travaillé donc en France, notamment dans Anjou, Maine et région parisienne et Bretagne, et également en Luxembourg et en Suède. Alors, Luxembourg pour l'Union européenne, et effectivement, on peut constater que c'est beaucoup plus évident de travailler ensemble au Luxembourg ou en Suède, par exemple, où il y a beaucoup d'acteurs différents qui vont aller ensemble pour pouvoir valoriser un domaine ou une région particulière. En France, c'est absolument impossible, c'est vraiment une catastrophe. Et, ça reste, la culture reste un domaine très très jacobin. La culture en tant que culture avec un grand C. Et c'est vraiment très complexe de pouvoir... Alors, quand on est breton, par exemple, on est tout de suite catalogué comme indépendantiste, autonomiste, et on veut faire passer des idées, donc de toute façon, tout de suite, on ne peut pas aller très très loin, malheureusement. Et ça ferme beaucoup de portes, je trouve. Donc c'est vraiment problématique et impossible de faire travailler des acteurs ensemble. Et par exemple, j'ai notamment habité à côté du Puy du Fou, et il est très compliqué. Voilà, quand on est breton, c'est pas possible, puisque forcément, on est des ennemis... Des Vendéens. Parce qu'on les a lâchés pendant les guerres, etc. Et donc, c'est compliqué, malheureusement. C'est compliqué de pouvoir aller ensemble, alors qu'on pourrait tout à fait valoriser certaines choses ensemble, et notamment les mouvements révolutionnaires qui ont lieu en Mayenne, en Vendée et en Bretagne, on pourrait aller ensemble. Mais c'est pas possible, malheureusement. Il y a beaucoup d'intérêts économiques et idéologiques qui vont ensemble. Et malheureusement, c'est pas captation. Une captation, et notamment politique, on voit très bien actuellement avec ce qui se passe, notamment au niveau des Républicains, Bruno Retailleau qui est effectivement le poulain Philippe. C'est très complexe. Quoi. C'est absolument 100% d'accord. Et pour le Luxembourg, j'ajouterais un truc, c'est que le Letzebürgisch, qui est la langue officielle du Luxembourg, est un objet d'attrait pour les visiteurs au Luxembourg qui a fait l'objet d'études économiques. Et, alors que le Plattdeutsch ou le Lothringer Platt, qui est la langue de la Lorraine qui jouxte le Luxembourg, est complètement ignoré, dévalorisé. On parle patois, on est honteux, on est encore honteux et merdeux parce qu'on parle patois. Alors que ceux qui sont 2 kilomètres plus loin et qui parlent Letzebürgisch, ils sont fiers comme tout et ils en font un argument de vente. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et on trouve le même phénomène entre la région de Kassel-Hasbrouck. À la frontière de la Flandre belge. Vous êtes en Flandre belge, ils sont super fiers de parler flamand. En Flandre française, ils parlent encore un peu le même dialecte et ils en sont absolument honteux. Je me souviens moi, d'avoir été dans un café à Kassel et j'entendais le monde parler flamand. Alors je dis... J'étais là pour des raisons professionnelles, j'étais un peu en avance, genre j'engage la conversation avec les voisins, ils me disent « Non, on parle du tout, ici on parle un peu patois, mais enfin on parle tous français. » Je dis « Oui, mais c'est intéressant, mais quand vous allez au village voisin d'autre côté, évidemment, on se comprend puisqu'on parle la même langue. » La contradiction, la honte linguistique qui se superpose avec la reconnaissance de l'identité avec le voisin. Ça, c'est très étudié par les sociolinguistes actuellement, bien sûr. Et pas par la notion de honte linguistique, mais un concept plus fort encore, que les Anglais appellent le self-hatred, c'est-à-dire l'auto-haine de sa propre culture, qui a été diffusée pendant très longtemps par l'État, qui a été intériorisée par les gens. Et là où les seuls Français appellent ça les patois, c'est l'écran et la substitution du nom véritable des langues qui a été oublié, qui a été massacré, qui a été négligé par l'État lui-même. Et donc... Pas seulement par l'État. L'État qui a diffusé cette idéologie est maintenant intégré par les propres. Mais quand on veut garder sa langue et l'appeler sa langue, on l'appelle. Là, je ne suis pas d'accord. Les peuples ont été massacrés pendant près de 2 siècles. Il leur est très difficile de récupérer cette dignité, cette loyauté linguistique qu'ils ont perdue. À cause de cette idéologie qui est très ancienne. Non, là, je suis d'accord, mais je pense qu'il y aurait des choses à faire si les gens voulaient se ressaisir, un petit, comme nous. Vous et moi, nous avons une... Mais quand on parle avec les gens, on est souvent ridiculisé et discrédité parce que parce qu'on est intellectuellement minoritaire. Mais ces idées, les idées de dignité identitaire, qui est la clé de tout, se diffusent très rarement, et quand elles se diffusent, quelquefois elles se diffusent mal, et elles font ce qu'on voit en Alsace avec Alsace d'abord, par exemple, qui broche sur le FN et valorise l'identité ethnique de façon absolument raciste. Donc la bête immonde n'est jamais très loin. Donc on navigue toujours entre deux écueils. Valoriser l'identité, il faut être relativement intelligent pour ne pas tomber dans le nationalisme ethnique. Oui. Peut-être aussi la question mondialisation qui aujourd'hui détruit les deux formes de culture qu'on connaît, ce qu'on appelait la haute culture, et aussi qui remplace la haute culture et les cultures populaires par la culture de masse. Et aujourd'hui, on ne peut plus. On est dans les taux là, et la culture de masse renverse tout. Et aujourd'hui, il est plus facile de parler. Des dessins animés de Walt Disney avec nos enfants, qu'ils soient fils de bourgeois ou fils de paysans, plutôt que de parler de Corrigan, etc., quoi, par exemple. Alors absolument, c'est clair que la mondialisation a un effet éradicateur, mais elle a un autre effet, c'est qu'elle ouvre également, par le biais de l'Internet notamment, et par le biais d'un certain affaiblissement de l'État central, elle ouvre également quelques possibilités aux cultures minoritaires. Mm-hmm. Il y a aussi des bénéfices à tirer de la mondialisation. C'est pas univoque. C'était juste. C'est clair. C'est clair. Oui. Oui, mais j'avais une réflexion et une question. Une réflexion qui est que quand on regarde cette dynamique que vous avez décrite, en fait, ça nous amène à réfléchir sur une compétence collective que l'on doit avoir, qui est de faire avancer des projets, qu'ils soient typiques ou qu'ils soient territoriaux, avec, l'intelligence de gérer justement la contradiction qu'elle génère. Si on prend par exemple l'agriculture biologique, prenons ça sur 30 ans. Ou sur 35 ans. Donc au début, on en avait quelques-uns, et on voit que, parce qu'effectivement, on a eu comme un cadre très précis, on a en France un cahier des charges qui était quand même, qui tenait la route, et puis parce que aussi, des gens se sont bagarrés, progressivement, effectivement, elle est rentrée dans la réalité économique. Ça fait maintenant, on peut dire qu'elle a une signification économique depuis maintenant 4-5 ans à peu près. Mais c'est aussi parce qu'il y a des acteurs qui sont capables de gérer les forces contradictoires que finalement le projet avance. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse. C'est la même chose pour la langue, quoi, parce que c'est vrai que la langue, si on prend ça, allez, quand il a fallu créer par exemple l'école d'Iwan de Rennes, si vous voulez, d'abord il n'y avait pas grand monde. On avait une demi-douzaine d'enfants. Et puis, finalement, on se rend compte que quelques dizaines d'années après, on a quand même beaucoup de. On a quand même, on va dire, des enfants en formation aussi. Hein, donc, chez Cédric ailleurs. Et parce qu'il y a eu quand même. Il y a à la fois une utopie au départ, parce que, quand même, tout ça plongeait depuis déjà pas mal de temps. De la ténacité, je pense qu'en Bretagne il y en a capable de ça, quand même, la preuve. Et puis, ça ne veut pas dire que c'est gagné, il reste encore énormément à faire. Mais, en tout cas, on a redonné de la fierté linguistique, malgré tout. Voilà. Je crois que c'est très important de savoir comment on mène ces projets-là, comment on mène les projets. Technique, on met des projets culturels, sachant qu'on aura toujours effectivement des gens qui sont complètement indifférents. Il y en a malheureusement beaucoup en Bretagne, c'est le fruit de notre histoire, parce que nos parents, on les a effectivement culpabilisés, etc., et du coup ils n'ont pas transmis. Heureusement que dans notre génération, il y a aussi des gens qui ont réagi assez tôt. Et qui ont eu le culot de faire. Et je pense qu'en Bretagne, on a quand même une capacité à faire. Ça, je pense que c'est important. Après, il faut qu'on accepte effectivement le passage en milieu économique, parce que sinon, on reste minoritaire. On va rester minoritaire tout le temps, avec toutes les contradictions que ça amène. Si on ne sait pas à qui on est, c'est sûr que le jour où on passe... dans le monde économique, bah, on est écrabouillé. Donc, ça, c'est sûr. C'est un gros enjeu aujourd'hui, je pense, pour la culture. Cela étant, quand on voit prendre des réalisations culturelles que l'on a, parce que là aussi, on est parti de loin. Si on prend dans les années 65 Loïs Repars, et qu'on prend Loïs Repars et les Fesnos, de ce que c'est devenu. Si on... Patrimoine immatériel. Patrimoine immatériel, on a quand même... En 50 ans. Parce qu'on pouvait aussi se débrouiller sans forcément avoir d'argent de l'extérieur. Quand on jouait en bagade, on avait, je ne sais plus si c'était 300 francs, 500 francs, 100 francs. En tout cas, avec ça, on se débrouillait et puis on avait nos instruments. Et je pense que cette autonomie-là, elle est extrêmement importante, même si ça ne représente pas des sommes importantes. Mais le peu de cash que l'on a, il faut qu'on puisse en faire quelque chose. Et je crois que... Il y a réflexion à mener sur la compétence individuelle et collective que l'on doit avoir là-dessus, au-delà, on va dire, du militantisme. Dans son caractère professionnel. Yves, imaginez que je réponde à cette question. Oh, ben je t'en prie. Je trouve que, en ce qui concerne la culture, il est probable, effectivement, que. Elles servent à reconstruire l'identité, et c'est un fait en Bretagne, c'est un fait aussi dans Corse et ailleurs. Ouais. Par contre, en ce qui concerne la langue, la récupération de la langue, lorsqu'une langue est tombée trop bas, ouais. Il y a très peu d'exemples historiques qui démontrent qu'elle peut revivre, renaître et reprendre le dessus sur la langue qui l'a écrasée. Ouais. Et il y a très peu d'exemples, même... Le seul d'ailleurs que l'on cite, c'est celui d'Israël. Mais Israël a eu une armée et elle a utilisé cette armée pour faire une normalisation linguistique de gens qui venaient de 100 pays différents pour en faire une langue nouvelle, qui était d'ailleurs l'hébreu moderne de Ben Yehuda. Par contre, l'exemple opposé, c'est l'Irlande. L'Irlande, où la langue est officielle, la langue est reconnue, la langue est défensée, est défendue et est enseignée à l'école, seulement 2% de la population parle l'irlandais. Et donc, c'est la démonstration qu'il est très difficile de recouvrer la totalité de la force de la langue lorsqu'on l'a perdue. Oui. C'est l'exemple que nous donnent toutes les expériences que nous connaissons. J'entends bien. Ça, c'est vrai, c'est un constat. Cela étant, moi, je suis aujourd'hui persuadé que le jour où on lâche le morceau, c'est fini. Donc, on peut... il faut garder l'utopie de la maintenir quoi qu'il arrive, parce que, je vous dis, prenez dans les années 70 un plus grand nombre de locuteurs natifs comme moi et d'autres, très peu d'enseignement. Aujourd'hui, on a quand même des milliers d'élèves. Voilà. Après, toute la question va être de savoir comment ces enfants, qui sont les miens, les nôtres, etc., vont pouvoir pratiquer à nouveau cette langue. Voilà. Donc, il n'y a pas que la langue, il y a aussi le contexte dans lequel on va pouvoir la pratiquer. Et ça ne viendra pas que de l'État, ça viendra du fait qu'on a plein de pouvoirs politiques autour de nous. Et des entreprises et tout ça, et il faut savoir si ces acteurs-là, ils font une croix là-dessus ou pas. Voilà. Ça, ça reste un enjeu important. Et on est toujours dans la typicité. Pour moi, on est toujours dans la typicité parce que la langue est un facteur clé, à mon avis, de notre identité. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ceci étant, il faut être conscient que vous êtes encore très privilégié en Bretagne. C'est une région qui a une incroyable richesse en matière de militance identitaire, que ce soit d'Astoum, la Falsab, etc. C'est incroyable. Dans tous les domaines, on a en Bretagne des activistes de l'identité qui travaillent et qui travaillent souvent ensemble. C'est bien pire ailleurs. Vous êtes, même si c'est difficile, ça reste en Bretagne qu'il y a quand même une conscience de solidarité en Bretagne qui est quand même pas mal, hein. Je trouve que c'est beaucoup moins fort ailleurs. Je crois que le pire, c'est sans doute l'Occitanie, une espèce de grand trou noir, 30 départements, la moitié de la territoire de l'Hexagone, et là, la langue, il n'y a personne qui parle occitan à la maison. Donc, c'est Bon, vous avez de la chance, vous avez d'ailleurs cité un exemple, on est toujours en train, en Alsace, on dit toujours, ah oui, mais les Bretons, qu'est-ce qu'ils sont bien, ils n'ont pas de complexe, ils y vont, ils sont unis, etc. En Alsace, ils sont divisés, c'est pas possible. Donc oui, bien sûr, tout ce que vous dites est vrai, mais il faut comprendre que vous êtes quand même assez, vous êtes assez bien armé. Mais il faut dire que vous avez aussi un patrimoine d'une richesse incroyable. Le monde entier voit l'image de la Bretagne. Évidemment, ça risque d'être la Bigouden sur le Solex. Mais quand même, il y a quand même une visibilité qui en un sens, vous aide. Mais c'est surtout les jeunes quand on a besoin, parce que vous voyez, ici, on est quand même pas mal assez vieux. Hein. Donc, c'est à vous de jouer. Et quelque part, c'est le livre aujourd'hui, là, depuis quelques années. Il y a les industriels ont lancé, se sont groupés sous l'étiquette produits en Bretagne. Est-ce que ces gens-là marchent aussi avec, par exemple, l'Institut de Bocard, qui sont des grands industriels pour la plupart? Est-ce que c'est le type de phénomène qui peut améliorer la typicité? Oui, mais bien sûr, on peut pas faire fi de l'existence et des moyens du capitalisme. Et qu'il y ait en Bretagne un capitalisme patriote, c'est quand même génial. C'est un des rares endroits où il y en a un. Avec la généralité de Catalogne. Au sud, là, il y a encore une bourgeoisie, un capitalisme catalan conscient. Mais ailleurs en France, ailleurs en Espagne, c'est faible. Et ailleurs en France, c'est faible aussi. Donc, bien sûr, par exemple, l'Institut de Locarn est certainement un foyer de diffusion identitaire très important. Et toutes les marques de certification. On en a une là avec le phare bleu et jaune dans l'entrée, sont extraordinairement importants pour faire percevoir l'identité et l'unité du territoire et de sa culture. C'est absolument central. Et tout ça, ça fait une synergie. Même si c'est involontaire, ça fait une synergie. Et c'est très clair dans les supermarchés en Bretagne, mais pas seulement. Le produit breton a une image très forte. Très forte et une image sécurisante maintenant, grâce en particulier aux bonnes sélections de produits. Je voudrais quand même nuancer un peu ce que tu dis, parce que la situation de la Bretagne est peut-être un petit peu mieux à l'échelle de l'État français par rapport à d'autres cas où il y a eu quand même un nivellement considérable. Et je pense que le rôle de l'État, j'ai bien entendu ce que tu disais, en gros, comment il faut se prendre en charge, parce que c'est ce que la Lombard disait aux chômeurs, il faut travailler. Mais on voit bien quand même à l'échelle de la planète l'impact du travail des États sur les minorités, à la fois l'impact sur le plan justement des économies locales, des économies minoritaires, l'impact qui sont désarticulés, qui sont tout ensuite axés vers le centre, l'impact en termes social de destruction de la culture sociétale, l'impact, on a parlé de l'impact linguistique, l'impact aussi en termes de représentation de soi. Et si les Bretons changeaient leur représentation de soi, c'est vrai, c'est limité. C'est limité. La meilleure preuve, c'est que les Bretons n'osent pas voter pour des partis bretons du tout. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où ils ont l'impression d'être coupables à la limite. Et l'État, lui, s'il n'est plus actif comme il a été, c'est parce qu'il n'en a plus besoin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enfoncé quelqu'un, voilà, on a enfoncé complètement quelqu'un, après on est passif, on laisse continuer à s'enfoncer. Alors on n'a plus une politique dynamique. Alors tout à l'heure, j'étais en train d'essayer de retrouver, tu avais cité une formule révolutionnaire, là, je ne sais plus laquelle c'était, je ne la retrouve plus, mais je pense que là, on peut citer un peu l'idée de convergence des luttes, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la langue, la culture, la représentation, moi, l'économie, tout ça, c'est complètement lié, et ce qui doit être fait par les minoritaires, eh ben, c'est aussi à la fois se prendre en charge, mais aussi continuer à s'opposer aux États qui, s'ils ne sont pas toujours actifs dans leur politique d'ethnocide, ont quand même toujours ça derrière la tête. Parce que l'existence même de spécificité, l'existence même de minorité, l'existence même de peuple, c'est quelque chose qui est totalement intolérable dans des pays comme la France. Tu vois, et donc je nuancerais quand même beaucoup, d'une part, la modération de la politique de l'État. Tu disais, les États, ils ont lâché. Ils n'ont pas lâché. Les États, ils ont changé dans leur façon de se comporter, si tu veux, parce qu'ils savent que ça n'est plus nécessaire. Je suis d'accord. Et puis aussi, l'idée aussi que nous, on serait dans une bonne situation. Il ne faut pas oublier quand même l'image que les Bretons ont d'eux-mêmes, et puis aussi les comportements d'autodestruction qu'il y a en Bretagne, qui ne sont peut-être pas totalement déconnectés d'une image de soi qui n'a pas été totalement revalorisée. Je suis d'accord. Il n'y a pas de contradiction. C'est simplement de ma part, un essai de présentation dynamique, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. L'État français a été depuis toujours, et notamment depuis qu'il a pris la forme républicaine, très très liberticide, pour qu'on en dise, et en particulier terriblement dangereux vis-à-vis des périphéries, et il le reste avec une méthode implacable, notamment l'éducation nationale. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai quelquefois l'impression qu'à l'heure actuelle, il est plutôt moins dangereux que certains relais sociaux, je parlais tout à l'heure des syndicats, qui sont épouvantablement réactionnaires, et avoir une action eux-mêmes sur l'État. Moi, je suis... c'est amusant, j'ai souvent été invité au Quai d'Orsay, donc à Paris, lorsque des visiteurs de l'étranger venaient et interrogeaient l'État français sur les questions de minorité. Et j'étais très surpris de me trouver invité en toute liberté, souvent laissé seul avec des Turcs, des Kurdes. Les fonctionnaires français n'étaient pas du tout opposés à ce que je disais. Et Dieu sait que j'ai été critique vis-à-vis de l'État français. En revanche, je me suis trouvé souvent avec des représentants des syndicats, des instituteurs, des choses comme ça, des gens effrayants de radicalité. Donc c'est ça que je veux dire. Mais loin de moi de penser que l'État n'est pas mauvais, je pense qu'il est globalement mauvais et que l'État républicain en particulier a pris une forme particulièrement oppressive, c'est clair, hein, et depuis longtemps. Voilà, donc je suis globalement d'accord avec ça. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que les AOC ont démarré à Bordeaux, donc les AOC sont girondines. Les AOC sont girondines. Elles ont commencé avec Marcelin Albert aussi, en Languedoc, en 1907, et elles ont été... Camus, l'auteur du premier texte, effectivement, était lui-même sénateur de la Gironde, et vous avez tout à fait raison. Et c'est une histoire qui est très girondine et qui est, par son caractère territorial, est totalement opposée au jacobinisme et au bonapartisme caporaliste imbécile qui nous gouverne toujours. Et tout particulièrement en France, c'est le pire État, certainement, avec la Grèce, la Turquie et dans une certaine mesure la Pologne. En France, ils ont le comité Colbert. Ça réunit tous les gens qui font des choses bien. Pour la gloire de la France. De la France. Ah ouais, Colbert. Mais c'est aussi une forme d'identité à l'échelle de l'Europe, l'identité française. Elle existe aussi à l'échelle du monde. Il ne faut pas non plus la négliger. Les identités, c'est des poupées gigognes. Je voudrais faire peut-être un élément, une remarque qui me vient en entendant effectivement le fait que l'État tend peut-être à se désengager, en tout cas que la pression diminue. Je crois que c'est aussi peut-être à mettre en parallèle avec, je dirais, la baisse d'importance de l'État-providence. Et bien sûr. Et la montée de l'Europe. L'économie néolibérale depuis les années 80, qui fait que la problématique identitaire se joue maintenant, et je pense que la conférence aujourd'hui l'illustre, de plus en plus peut-être sur le terrain économique. Mmh. Et c'est vrai qu'on attend des acteurs identitaires à des... Certains parlent d'entrepreneurs identitaires plutôt que militants pour défendre une identité, mais c'est vrai qu'on voit bien effectivement qu'il y a un changement de contexte qui fait que c'est à la fois sur le terrain culturel, mais aussi sur le terrain économique qu'on nous demande de défendre nos identités. Alors qu'auparavant, le débat était plutôt anti-hégémonique, on était contre l'État, et voilà, c'était l'État qui avait toutes les réponses. Maintenant, la balle est renvoyée aussi dans le camp des peuples, et on leur demande de construire leur identité sur le terrain économique avec toutes les dérives que ça peut comporter. Extrêmement juste. Mais il y a toujours des interventions, absolument regrettables de l'État. La régionalisation de 2015, c'est une farce d'un mauvais goût absolu. Bon, il y a une retombée intéressante avec la Normandie, mais pour le reste, il y a des erreurs avec la loi Atlantique et des crimes avec l'Alsace, Champagne-Lorraine. C'est pas ni fait ni à faire, c'est criminel, c'est totalement imbécile, c'est tirer une balle dans le pied. Donc la nuisibilité de l'État idiot, l'État non réflexif, non cultivé, est évidente. Non, ça, ma détestation de Paris en tant que pouvoir n'est pas... ne faiblit pas. Simplement, ça ne peut pas servir d'alibi à une absence d'action. On peut gagner, mais il faut... Parce que non, ça c'est foutu, alors on est découragé. Il faut savoir qu'il y a quand même des moyens d'action. Ça reste un État démocratique. On n'est pas en Turquie, ni même en Grèce, ni même en Russie. Parce qu'en Russie, c'est épouvantable ce qui se passe en Russie en matière minoritaire. Épouvantable. Alors, tiens, on en parle extrêmement peu, mais alors les militants du Tatarstan ou des commis sont absolument pourchassés, emprisonnés et parfois assassinés. C'est terrible. Vous connaissez ce qui se passe en Turquie. Il y a la remontée des empires est une grosse préoccupation à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est pire que chez nous. Est-ce que, au niveau, par exemple, de la Bretagne, est-ce qu'une instance régionale, l'Assemblée régionale, peut avoir un rôle très important, dynamique ou non ? Ben, il y a le boulanger et son bouquin sur l'identité bretonne, là. Qui est intéressant quand même. Hein. Oui, je pense que tout ce qui peut travailler à l'unité dans la diversité, parce qu'il la Bretagne n'est pas homogène. La Bretagne est également composée de pays, de terroirs, et chacun a sa spécificité. Donc il y a aussi une petite tendance, notamment la tendance unificatrice en matière linguistique, qui a ses avantages, mais qui a aussi ses inconvénients. C'est à gérer avec beaucoup de doigté, ce genre de choses. Mais oui, bien sûr que ça peut jouer, l'Assemblée régionale peut jouer un rôle, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que face aux imbéciles pitreries de la décentralisation, les départements reprennent d'un attrait, notamment en Bretagne, parce que le Haut-Rhin et le Bas-Rhin deviennent une protection contre cette espèce de Champagne, Ardennes, Lorraine qui n'a plus aucun sens. Donc c'est très curieux. Moi qui étais anti-départementaliste, je trouve que quelque part, ça devient une protection. Oui. Donc les conseils généraux sont également intéressants à cet égard. Et puis il y a un concept central dans tout ce que je vous ai dit et que je n'ai pas prononcé le mot, c'est la notion de pays. Et qui est tout à fait centrale en matière de gestion de la typicité. Et toute une série de textes depuis quelques années, surtout dans les années 90, autour de la notion de pays qui était très importante. Ceci étant, là on fait l'objet d'une régression à l'heure actuelle en ce moment. Hein. Encore ? On a fait le tour ? Oui. Merci beaucoup. Merci. C'était très agréable parce que vos interventions étaient toutes très, très intéressantes pour moi et j'approuve beaucoup de ce qui s'est dit. Bon, ben voilà.